Tube Fun Radio. Let's talk about sex. Cheat code. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son dance floor. That was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal. And I don't want it to end. Tell me all your dreams in darkest fantasy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. De s'informer maintenant avec Carlo Murillo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. L'info du jour pour toi, c'est quoi? C'est que les Diables ont gagné. Ouais, voilà, ouais. Je savais. Bah alors ça veut dire que tu ne t'adresses pas à l'actu, hein, parce que sinon, ce jeudi 23 juin, bah non, l'info qui éclipse toutes les autres, c'est évidemment le référendum organisé au Royaume-Uni pour ou contre la sortie du pays de l'Union Européenne. Le fameux Brexit dont on parle depuis des mois, un référendum crucial, et pas seulement pour l'avenir de nos voisins britanniques d'ailleurs, mais pour celui de l'Union en général. Quand les implications d'un éventuel Brexit sont variées et importantes, c'est une désintégration de l'Union Européenne qui est évoquée, ni plus ni moins, voire du Royaume-Uni, hein, vu que les Écossais pro-européens comptent organiser un autre référendum, mais sur leur indépendance, celui-là, en cas de victoire du non à l'Europe. Les derniers jours, les sondages annonçaient une courte victoire des partisans du Royaume-Uni au sein de l'Union, de quoi rassurer les marchés financiers notamment. Mais les tout derniers sondages publiés pas plus tard qu'hier donnaient une légère avance à l'autre camp, ça veut dire c'est de suspense et de rigueur. Le Premier ministre britannique David Cameron joue évidemment sa carrière, hein, dans cette histoire, lui qui a plaidé jusqu'au dernier jour pour convaincre ses concitoyens de rester dans l'Union européenne. Les partisans du Brexit, eux, insistent sur le fait qu'en cas de sortie de l'Union, les Britanniques reprendraient le contrôle de leurs lois, de leurs finances et de leurs frontières, et par conséquent de l'immigration. Quoi qu'il en soit, le résultat de ce référendum devrait être annoncé demain dès les premières heures. Bon, on en vient à l'Euro de football, hein. Bah oui, quand même un petit peu obligé. Et à la victoire des Diables Rouges sur la Suède hier soir par 1-0, ne souris pas comme ça bêtement. Oui, c'est trop bien. Ouais, oui, c'est vrai, c'est pas mauvais. Il y a d'autres choses qui sont trop bien, je te les montrerai plus tard. Victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Pourquoi vous marrez? Pour rien, Carlo. Bah, je voulais montrer ma collection figurine Panini, c'est tout. Tu as beaucoup de choses à montrer, oui, Carlo, oui. Ne t'inquiète pas. Alors, la presse n'est pas tendre hein, sur la performance de nos joueurs, vu que leur prestation a été plutôt poussive. Je vais donc plutôt insister sur l'aspect positif des choses. D'abord, on est qualifié, c'est quand même le principal. Ensuite, pour la première fois de son histoire, la Belgique a remporté 2 matchs de suite lors d'une phase finale d'un euro. C'est donc un record. Enfin, personne n'a fait mieux que nous en termes de victoire. Hein. C'est-à-dire qu'aucune équipe n'a été capable de remporter ces 3 matchs. Quoi qu'il en soit, les Diables ont à présent quelques belles cartes à jouer puisque ce dimanche, ils jouent contre la Hongrie avant de peut-être affronter le Pays de Galles ou l'Irlande du Nord. Ça veut quand même dire qu'on pourrait se retrouver en demi-finale sans avoir dû se taper une grosse cylindrée. Hein. Voilà qui ne garantit évidemment rien. D'autant que les Hongrois et les Gallois ont quand même montré qu'ils savaient jouer au foot. Mais bon, a priori, il vaut mieux de tels adversaires que les Allemands ou les Espagnols. Hein. Dans une heure, je reviendrai sur les autres résultats de ce jeudi et notamment sur le match complètement fou entre le Portugal et la Hongrie, justement, notre adversaire de dimanche. Fun. Fun Radio. Soutenir les Belges à la piscine. Allez, Kevin. Ou soutenir votre enfant au mini-club. Allez, Kevin. Lâchez-vous, Neckermann. Vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Le son de Kungs, c'est ce qui arrive sur Fun Radio dans quelques petites minutes. Il y aura aussi le beau Mathieu Canabi en mode Miss California. Tout ça, ça arrive juste après. La météo, est-ce qu'il va faire aussi chaud demain, Carlo? Non. Tant mieux. Quelques degrés, ouais, c'est vrai que ça a été un petit peu lourd aujourd'hui. 24-25 degrés quand même, avec toujours des nuages, toujours l'une ou l'autre petite ondée, parfois orageuse. Mais rien à voir avec aujourd'hui. Ceci dit, à Bruxelles, ça va. Hein. On a eu un orage ce matin qui n'a pas duré très longtemps. Ça passe. Pour le reste, c'est surtout au soleil qu'on a eu droit. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Kungs. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Dans les embouteillages. Pas de panique. Branchez-vous sur Fun Radio. Fun. L'Happy Hour avec Audrey. Ça commence maintenant sur Fun Radio. Ouais. Et dans Happy Hour avec Audrey, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a. Happy. Non, il y a. Il y a Hour. Non, il y a. Audrey. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a avec Audrey aujourd'hui ? Il y a Audrey. C'est la fête d'Audrey aujourd'hui. Pourquoi ? Ah bah oui, bonne fête à toutes les filles qui s'appellent Audrey. S'il vous plaît. Il y a une sainte Audrey. C'est la journée des Audrey aujourd'hui. Oh, donc, mon Dieu. Que par principe, puisque c'est ma journée, je peux demander tout ce que je veux. Ouais, ben ça te change pas des autres jours, toi. Mais que ça va. Alors, excusez-moi, je vais quand même vérifier l'info parce ah, que. Ah, si. J'y crois qu'à moitié. Hein. Ah, si, j'ai d'ailleurs reçu plein de messages des auditeurs. D'ailleurs, merci à tous ceux qui écoutent l'émission. Sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey, j'ai reçu plein de bonnes fêtes. Des auditeurs de plus de 60 ans parce qu'il y a qu'eux qui sont au courant de Saint-Audrey. C'est pas vrai. Quand tu regardes la météo à la télé, ils terminent toujours par ça. Et aujourd'hui, nous fêtons les Audrey. Bonne fête ouais, à toutes les Audrey. Ouais, ça, top modèle. Donc, ce que je te dis, c'est que les vieux qui regardent. Voir. Déjà, la météo, c'est avant les feux de l'amour, déjà. Donc, t'es même pas raccord avec le programme de la télé. Un peu de respect, s'il te plaît. Non, mais sérieux, blague à part, la fête, ça sert à quoi en fait ? Parce que, ok, c'est ma fête, mais j'ai quoi ? Il y a personne qui m'a acheté un cadeau, j'ai pas eu de truc spécial, rien n'a changé dans ma life. Bonne fête, ouais ! Ouais ! Merci. On peut venir te faire un bisou tous ensemble si tu veux. Oh, venez, ok. Parfait, allez, j'arrive. Faites-moi un petit bisou chacun. Allez, courez plus vite, hein, parce qu'il faut quand même qu'on écoute un peu. Voilà. J'aurais jamais dû demander ça. Et c'est tout ce que tu auras. J'ai du maquillage, moi. Mais combien de fonds de teint tu mets ? Alors, quand je suis pas maquillée, je me fais engueuler. Quand je suis maquillée, je me fais engueuler. Mais non, mais quand t'es content, maquillée, hein. Moi je t'embrasse jamais au fait. Et là, j'en ai plein la bouche. Bonne fête. Attends, il y a un auditeur, genre, il me dit, mais t'appelles pas Audrey, tu t'appelles Marie Audrey. Ouais, alors c'est vrai. Mon vrai prénom, c'est Marie Audrey, mais à la radio, je m'appelle Audrey. Donc ça compte. C'est ma fête. Chance pour toi. Ouais. De fête, du coup. Ah bah Marie, ouais. Ou alors Audrey. Et ben voilà. Voilà, bim. Voilà, deux chances de plus où il ne se passe rien dans ma life, et ça c'est parfait. Bon, sinon, vous, comment ça s'est passé votre après-midi ? Vous êtes en forme, les garçons ? Pas du tout. Oh, bah, qu'est-ce qu'il a, lui ? Qu'est-ce qu'il a ? Non, mais parlons vérité, parlons sérieusement. Vous avez vu la chaleur ? Oh, bah, c'est bien ça, che calore ! J'essaie de respirer depuis ce matin, il n'y a pas moyen. Vieux, les mecs, quand il pleut, ouais, il pleut de dégueulasse, quand il fait froid. Non, mais par contre, et blague à part, il a fait super chaud aujourd'hui. Ouais, non, il fait douf. 30 degrés, je crois, il fait. J'adore parce qu'il y a deux minutes. Ouais, vous avez des petits jets, mais moi, j'ai une excuse. Je suis gros et asthmatique. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai mis une heure pour monter les escaliers, les gars. C'est vrai qu'on le sent quand on est un peu plus gros. Ah, mais je sens. Même moi, maintenant, je le sens. Et là, Alison, elle va bien, la nouvelle stagiaire de l'émission ? Ça va. Elle est en forme ? Ouais, très. Elle a vu son pompier ou pas ? Ah, c'est vrai, il y avait le rencard. Non, c'est aujourd'hui le rencard. Ah, il va faire son petit stand de tir. Et ouais, avec son petit pompier. Elle est là, la coquine. Hein. Tu nous diras comment ça s'est passé ? Promis. Petite cochonnette. Pardon. C'est pas ça que je voulais dire. Ça vient du cœur. Non, je voulais pas. Si, c'est pas ce que je voulais dire, ça. Toi, tu vis son rencard par procuration. Bah ouais, voilà, excusez-moi. Bon, on va écouter le son de Mathieu Canabi maintenant, si ça vous va. Miss California. Ça, c'est bon, ça, pour commencer l'après-midi sur Fun Radio. Il y aura aussi Dimitri Vegas et Like Mike, les meilleurs DJ au monde. Ils sont ici sur Fun Radio. On me dit bonne fête, Audrey, et à toutes les Audrey. Vous voyez ? Heureusement que les auditeurs, ils sont là. C'est toi. Oh. Heureusement, il y en a qu'une. T'imagines le bordel, heureusement. Laissez passer. Bonne fête, Audrey. C'est Manuel qui dit ça. Eh, merci, vous êtes adorable avec vos petits messages. Heureusement que vous êtes là, parce que dans l'équipe ici, je peux pas compter sur eux, hein, sérieusement. Bonne fête, Audrey. Merci, ça fait bien plaisir. Et hop. Mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant, même si tout nous oppose, raison ou tentation, pourtant j'hésite. Lorsque je plonge dans ses yeux noirs, c'est toujours la même histoire.

Vegas et Like Mike. On continue sur Fun Radio, c'est ici le son Dance Floor que ça se passe. Avec le son de Calvin Harris et Rihanna, on va sur aussi le son de Willy William et Chris Cap, c'est nouveau hein. Avec Paris qui arrive et on a Mika qui vient de Havre et qui est là avec nous. Mika, c'est un supporter de Diablo. Oh, ouais. Et tous ensemble. Parce qu'on est venus pour ça. Et ouais, on l'avait dit, on va gagner, et on a gagné hier. 1 à 0 les gars, c'était une ambiance de fou furieux, sérieux, on pouvait pas commencer l'émission sans en parler. On aurait gagné la coupe quoi hier. Mais tu te rends pas compte de l'exploit quoi, c'est ouf, l'exploit, ça, on a quand même failli passer à côté, hein. Je dis arrête, ça, je dis Sandro, rien. Il faut qu'on garde une bonne, tu vois, la tête haute, tu vois, il faut qu'on fasse genre c'était un match de ouf. Ça va Mika? Ouais, ça va bien. Bah nickel. Bon alors, t'as regardé le match hier, Mika? Oui, exactement. Donc, je regardais le match avec des amis, ouais. Ouais. Et alors, c'était cool l'ambiance? Ouais, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. T'as passé une bonne soirée? Ouais, ça allait, mais il y a eu quelques petits soucis, donc je vais vous l'expliquer si vous voulez. Quelques petits soucis. J'ai peur quand tu dis ça comme ça, mais oui. Vas-y, vas-y, explique. Donc en gros, je regardais le match d'Italie et j'ai eu une coupure de courant. Donc ouais, j'étais dans ma ville chercher des bars pour voir s'ils diffusaient le match de l'Italie. Ouais. Et ils diffusaient que les matchs de la Belgique en fait, et donc je suis un peu deg de pas avoir vu le match de l'Italie par là. Mais quoi. Non. En fait, Mika, il vient à l'antenne pour savoir la suite du match. Tu veux la suite en fait. Ouais, ils ont perdu. Ouais, l'Italie a perdu. Ah. Oh, je croyais qu'ils avaient fait match nul. Non, je pense que c'est 1-0. C'est 1-0 pour l'Irlande. Ah, bah alors, petite musique de Miracoli. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Attends, les non, Italiens ont perdu. Foutait, c'était un match pour du beurre, on était qualifiés. Les Italiens ont perdu. Ils ont mis l'équipe B. Bah. Les Italiens ont perdu. Je comme la Belgique. Je ne retiendrai que ça. Non, comme... non. Musique. Les Italiens, c'est pour vous, c'est cadeau. Big up. Allez hop, c'est parti. Et voilà, vous êtes fait. Fracassé, les Italiens, on les a fracassés. Allez, fais un des mains. Non, fracassé. On s'en fout, vous êtes fait fracasser. Et ouais, et bah du coup, Mika, t'as pas pu mater le match des Italiens, mais tu vois, t'as rien loupé, hein. Ils ont perdu. Mais ça, c'est encore une chose que la Belgique a gagné. Hein. Ouais, monsieur, ça s'appelle le talent, d'accord. Tu sais que si vous faisiez match nul comme l'Italie a perdu hier, vous étiez d'or. Ouais. Sauf que là, on a tout bien calculé, nous, monsieur. On est plus malin. Parce que qui c'est qui va jouer face à l'Espagne? Ah, bah, c'est les Italiens. Vous avez chopé. Et du coup, les Italiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire fracasser. Les Italiens vont se faire faire fracasser. Ah, je suis désolée. Quelque chose à dire, Fab? C'est pour moi, c'est cadeau. Je vous déteste. Les Italiens vont se faire fracasser. Oh, on rigole. On rigole, mais quand même, faut non, avouer, c'est pas drôle. Le match face à l'Espagne, ça va pas être si facile que ça, hein, les gars. Faut pas déconner quand même. Mais hein. On s'en fout, nous. On s'en fout, l'Italie. Vous savez qu'il est facile, vous, dans votre tableau? Non, c'est pas qu'on non, est on a dans tous un... les durs de l'autre côté. C'est pas qu'on est dans un tableau facile, c'est juste que on a calculé. On est plus mal. Hongrie, Norvège et République d'Andorre, t'appelles ça comment? Eh ben, c'est un bon groupe. Voilà comment j'appelle ça. Mika, je te fais des gros bisous en tout cas. Merci. Et puis dommage hein, pour le match hier. Ça, je pense que c'est le pire truc qui peut t'arriver quand t'es supporter de football, c'est la coupure de courant. Ah ouais, alors là, à tout moment, tu peux te sentir dans Koh-Lanta, quoi. Tu vois, en direct du jeu, genre, il n'y a plus d'électricité, il ne se passe plus rien chez toi, tu peux pas mater le foot, tu peux pas te cuire une pizza, tu peux pas. Tu cailles, t'as froid, il n'y a plus rien. C'est la fin du monde, quoi, voilà. Ah, mon petit Fab, je te sens tout triste là d'un coup. Mais moi, je suis triste parce que le match de l'Italie, il sera pendant qu'on est en émission la semaine prochaine. Et bah, alors ouais. Et je sais pas comment je vais t'annoncer que je pourrais pas faire l'émission parce que je devrais regarder le match. Et bah, tu vas pas l'annoncer parce que tu seras là quand même. Il faudra trouver un moyen, parce que si jamais les Italiens se font fracasser. Et ben, on va se venger sur toi, Fab. Ouais, je sais, je m'en doute pas. Et voilà. Bon, et vous, ça s'est passé comment le match hier? Vous étiez plutôt pour les Belges ou les Italiens? Vous avez fait quoi? Vous avez été le match où? Dites-moi tout ça. 30-44, on attend vos petits messages. Hein. Merci d'être là en tout cas. On est avec vous jusqu'à 20h. Écoutez son Dancefloor maintenant. On se fait le son de Calvin Harris avec Rihanna sur Fun Radio. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Et 25 mai, là, n'oublie pas, Atteni Royal Verdi, tu peux passer devant, on se fera un coucou quand on sera. Et tu peux aussi passer derrière. Tous les soirs, dès 20h, c'est libre antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Ouvrez la bouche et dites ah. Bougez les yeux. Et toussez maintenant. Vous êtes en pleine forme.

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Fun Radio. Willy William et Chris Cap. Fun Radio. J'ai troqué ma voiture pour un vélo. Roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale. On était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la. Parce que moi je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Je me balade en Paris, Paris, Paris. Je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Tranquillou à Paris, balade à Paname, monsieur. Eh ben ouais, ben nous on est ici en direct en Belgique, partout, partout, Fun Radio de est diffusé. Pixel, ouais. Et on est fiers de la Belgique. On va faire le son dans un instant de Calvin Harris avec Rihanna. Eh ben non, ça parce que. Non, okay, on l'a vient déjà de passer, entendu. C'est ça. Et ben alors, par contre, il y aura Benny Benassi avec Chris Brown, ça c'est sûr. Juste avant, je voudrais quand même qu'on ouvre le débat dans cette émission. Ah, ah oui, il est alors, temps. Il faut qu'on vous explique quelque chose. Vous connaissez le kéké du standard. Kéké du standard. Montre ta jolie voix à tous les auditeurs de l'émission. Montre ta jolie voix à tout le monde. Voilà, ça c'est le kéké du standard. Ouais. Le kéké du standard est dans une impasse. Alors, on essaye, depuis tout à l'heure, parce que c'est vraiment ça, avec toute l'équipe, de le convaincre. On s'y engage. De ne pas faire quelque chose qui pourrait vraiment, vraiment, mais vraiment lui foutre la honte internationale. Sauf que le kéké du standard... Il veut le faire. Il veut le faire. Il veut pas écouter l'équipe. Mais alors, pourquoi ? Je vous explique vite fait. Comprends pas. Le kéké du standard est amoureux. Voilà. Il est très très très amoureux. Il est amoureux d'une personne, une demoiselle, qui visiblement, elle, n'est pas très amoureuse du kéké du standard. Puisque cette demoiselle, tenez-vous bien, vous savez ce qu'elle lui a fait? Genre, elle était en couple avec le kéké du standard, sauf qu'à un moment donné, eh ben, elle a mis une photo sur internet avec un autre mec. Je me suis trompé de bouton, désolé. Non, non, c'est dans un dessin animé. Donc, je sais pas si vous avez bien compris le bazar, mais c'est que la meuf, elle lui dit pas qu'elle est avec un autre mec. Elle met un truc sur Instagram. Ah, il l'a pris dans la presse. Non. Comme Calvin Harris. Mais c'est ouf. Donc elle met une photo avec un autre mec sur Instagram et Kéké a appris qu'elle était avec quelqu'un d'autre via Instagram. Mais c'est ouf ça. Et nous on lui dit. Mais c'est mort. Mais ouais, bazar là quoi, laisse tomber. Et attention, il s'est fait larguer le jour de son anniversaire. Ouais, en plus. Et attention, demain c'est son anniversaire et donc la question. C'est l'anniversaire de son ex amoureuse et il veut y aller. Et c'est ça la question. Il veut y aller. Pourquoi? No. On n'arrête pas de lui dire. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette situation. 3044 pour vos messages. Mais c'est quelque chose que tu dois pas faire, Kéké. Bah oui, mais c'est comme ça. Alors pourquoi tu veux le faire? Moi, bah parce que j'ai envie. Enfin. Mais pourquoi? Mais vas-y, c'est pas grave, on en parle ouvertement. Tu te fais chier demain. Tu vas te faire chier. Sinon on fait un cinéma. On t'occupe hein, si tu veux. On t'occupe, calme-toi quand même. Non mais franchement. Non mais je sais pas trop quoi dire. Non mais non. La seule bonne raison pour y aller, c'est que t'ailles avec deux barils d'essence, un Zippo et que tu foutes le feu après avoir attaché tout le monde. Sinon je vois pas ce que tu peux y aller. Et tu sais, pendant que ça brûle, tu fais joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Souffle ta bougie, souffle. Meurs. Non mais sinon, attends, blague à part, non seulement tu veux aller à son anif à cette fille, d'accord, imagine le truc, hein. Donc t'arrives à son anif, machin, elle est avec son autre mec. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je pars. Mais Kéké, bah alors réfléchis, elle va être avec son autre mec, n'y va pas quoi. T'imagines, t'as perdu l'essence, t'as perdu du temps, pourquoi? Attends, il y a Ethan qui nous dit au 3044, moi j'irai et je ferai un gros bordel. Non, c'est pas cool ça. Mais comment vous dire, le Kéké du standard est trop gentil. Mais trop gentil, mais quoi, oui, jamais. C'est-à-dire que le mec, il est cocu, mais en plus il veut aller à son anif. Tu vas pas, mon ami. Attends, juste pour rigoler, tu vas lui acheter un cadeau? Bah oui. Ouais, des capotes. C'est vraiment pas cool. Bon, hey, on compte sur vous, les amis. On a besoin de vous sur ce coup-là, s'il vous plaît. Venez à notre rescousse avec toute l'équipe. On essaye de lui dire que c'est pas le bon plan. Venez nous aider. Envoyez un petit message pour qu'il comprenne qu'il faut pas qu'il fasse ça. 3044, c'est le numéro pour nous envoyer des petits messages. On va se faire le son de DJ Snake dans un instant avec Talk. Mais juste avant, je vous ai calé Benny Benassi. Welcome tout le monde. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur Sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son Dance Floor. Cette semaine chez Lidl, une bouteille d'Ariel liquide plus une bouteille gratuite. Soit 9,79€ les deux bouteilles. Profitez-en, parce qu'après le match d'hier, le maquillage noir-jaune-rouge a probablement laissé des traces. Lidl, pour tous ceux qui comptent. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Nos Pires Voisins 2 et Ninja Turtles 2. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Fun. Audrey, Sandro et Fab, les trois mousquetaires de la radio. Un pour tous et tous à l'écoute. Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying bye. Yeah. Merci de passer votre après-midi avec nous. Là, ça fait plaisir. Moi, c'est Audrey. Je me présente. Il y a Fab aussi qui est là dans l'équipe. Présent. Sandro qui est là. Présent, partie. Madame. Alison, la nouvelle stagiaire. Présente. Et alors, le kéké du standard qui est cocu. Ouais. Okay. Ouais. C'est pas drôle, n'empêche, blague à part. Il y aura DJ Snake aussi pour la suite du son. Rassurez-vous, ça continue. Justin Timberlake aussi. Et puis, si vous venez de vous brancher là dans l'émission, en gros, on essaye d'aider un peu notre kéké du standard. Parce que kéké du standard était full love d'une fille. Et en gros, mais c'est vrai que c'est triste. Il s'est fait larguer via Instagram, c'est-à-dire que la meuf, elle a même pas pris le temps de lui envoyer un message en disant, écoute, voilà, ça aurait pu, tu vois, tu peux dire à un moment donné, je sens que ça va pas, laisse tomber. Non, c'est genre sur Instagram, elle a mis une photo avec un autre mec, et donc Kéké, il l'a appris comme ça. Ah, c'est pas moi quelqu'un. Attendez, parce que arrêtez de vous moquer dans l'équipe, hein, parce que si ça vous arrivait, franchement, vous feriez pas trop les malins. Perso, ça m'est déjà arrivé, donc je comprends pas. Ah bah donc voilà, donc Kéké du standard est complètement totalement déprimé, hein, on va dire la vérité, voilà. Ouais. Et en plus de ça, il veut faire des conneries. Il veut aller demain à l'anniversaire de cette meuf qui vient de se foutre de sa gueule. Et on essaye dans l'équipe de lui dire mais fais pas ça. Et il écoute rien quoi. T'es insupportable. Franchement, mais comment tu peux avoir cette idée à la con? Mais à la base, on n'était pas ensemble. Hein. Mais attends, ça comment? Tu la vois tous les jours? Vous dormez vous couchez ensemble? Attends, vous faites des MM, mais ouais, vous vous embrassez et tout? Non, ça c'est pas. Non, faut pas déconner. La fille, effectivement, elle voulait pas dire officiellement que vous étiez ensemble aux autres. Ce qui était quand même. Et je me rappelle, je t'avais dit. Attention, c'est bizarre. Une fille qui fait ça, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Et ouais. Bam. Et elle disait ouais, on est plan cul comme on dit les jeunes. Là, je sais plus comment vous dire. Plan cul. Mais un plan cul, tu vois pas les parents, tu fais pas des photos. Mais ouais, c'est ça quoi. Non. La meuf, Désolé, la fille, elle avait juste envie d'aller voir ailleurs, quoi. C'est tout. Elle se fait un kiff. On me dit, faut pas qu'il y aille à la nif. En même temps, ça lui permettra de prévenir le nouveau mec si jamais qu'elle le jettera sur Instagram. Bah ouais, ça c'est clair. Vaut mieux le prévenir, le pauvre Dr Love. Vous aurez dit qu'il aurait fallu qu'il se présente à son anif avec une autre meuf. Ah, c'est vrai, ça. Pas con. Mais du coup, elle serait peut-être jalouse, tu vois. Ouais. Ouais, mais après, c'est Kevin, c'est pas un magicien. Il trouvera jamais une meuf d'ici demain. Bah, si la copine de Sandro, tu peux la prêter, non? Ah, quoi que, tu payes combien? Elle est plutôt pas mal en plus, la copine de Sandro. C'est une petite blonde comme ça, toute voilà. mignonne, tout plein. Ça t'intéresse sinon j'ai une brune aussi en stock, comme tu et veux. Et là, chinoise. Aucun scrupule à la revendre, hein, le gars. business is business. C'est hein. pour aider un ami, il faut voir les choses comme ça. On a Julie qui est là, qui vient de Bruxelles. Bonjour Julie, ça va bien? Bonjour tout le monde, ça va et vous? Eh bah ouais, Juju, t'as déjà été cocu une fois dans ta vie aussi, toi? Non, pas que je sache. Eh bah t'as de la chance, regarde notre pauvre kéké dans quel état il est, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui, sérieusement? Julie, et tu penses qu'il doit aller, toi, à l'anniversaire demain de cette fille? Honnêtement, non. Bah voilà, honnêtement, mais c'est ça. Non. Ah. Pourquoi? Si elle était heureuse d'être avec toi, elle n'aurait pas mis cette photo sur Instagram. Voilà. Ouais, c'est vrai. T'as bien raison, et Julie. Et ça veut dire qu'elle te met, elle te mérite pas. Mais et ouais. Je pense que tu pourras trouver mieux. Voilà. On n'arrête pas de lui dire. Ouais. Maintenant, Julie est là pour toi, si tu veux, Kevin. Julie, t'es célibataire? Ah non, je suis en couple depuis 7 ans. Bah, et toi, au moins, t'es fidèle. Hein. Heureusement, il y a encore des filles qui sont fidèles sur cette planète. Non mais oh. On n'a pas encore vérifié. Hein. On croit Juju sur parole. Julie, merci beaucoup en tout cas pour ton petit conseil. Je te fais des gros bisous. De rien. Bisous Juju. Bonne émission. Toi aussi. Enfin toi aussi. Enfin bonne émission en direct de ta voiture si tu veux. Pourquoi pas. Tu te fais des petits speaks. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre au 3044? Dans ta situation, soit t'y vas pas, soit tu vas accompagner aussi. Passe à autre chose. Elle te mérite pas. Courage. C'est Maria qui dit ça. Mais évidemment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre aussi? Va avec une autre meuf. Audrey, t'as qu'à aller avec lui en mode amoureux. Ouais, mais elle me connaît sa copine, donc c'est pas crédible. Toi, je peux pas dire que je suis sa nouvelle amoureuse. Et attends. Ah. Oh, magnifique. On a reçu un message au 3044. J'y vais avec toi. Ah, c'est drôle ça. On a trouvé une fille disponible pour accompagner Kéké à l'anniversaire de cette connasse. Parce que franchement, je le dis comme ça. Oui. Non, mais à un moment donné, désolé, il est un peu tôt pour les grossiers mots, mais franchement, tu peux pas l'appeler autrement, quoi. C'est quoi, on va appeler la fille qui a envoyé un message là au 3044. On va se faire ça juste après le son maintenant de DJ Snake qui débarque, c'est Talk sur Fun. On est en mode peine de cœur aujourd'hui là sur Fun Radio, notre pauvre kéké national, le kéké du standard qui a appris qu'il était cocu en direct sur Instagram. Si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, on essaye de le dissuader d'aller demain à l'anniversaire de cette pouffe. Parce que sérieusement, la fille, elle l'a même pas prévenu, genre qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, le pauvre quoi, il a le cœur brisé. Si vous voulez essayer de le dissuader comme nous, allez-y, venez à notre escousse parce qu'on a du mal hein, à lui faire comprendre que c'est pas le bon plan. 3044 pour nous envoyer des petits messages. Il y a le son de Justin Timberlake qui arrive avec Can't Stop the Feeling. Ça arrive juste après le trafic sur Fun. L'infotrafic dans l'Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Alors, ça se passe comment sur les routes, maître mais commandant? C'est une vraie catastrophe. Ah ouais? Oui. Quand il fait chaud comme ça ou quand il pleut. Il fait chaud. Toujours, il y a des problèmes. Je remercie le gentil auditeur qui me dit qu'il y a un véhicule en panne dans le tunnel direction Basilique à hauteur de Simonis. Alors, à cette heure-ci, le tunnel, c'est déjà pas très chouette. Ça roule pas du tout, mais alors avec un véhicule en panne. Ah, c'est la classe. Oui, garde-toi sur le côté et va à pied. Moi, je vais faire la table. Ici, sur le AE40 A3 de Liège, direction Brussels. Attends, il y a trop de chiffres et trop de lettres là-dedans. Je ne comprends pas. Je dois dire quand même qu'on a changé tout mon programme ici pour me. Ils ont fait une mise à jour. Oui, et Jacobus, il comprend plus rien. C'est vrai? Je te jure. On va vous envoyer en formation. Bon, du coup, j'ai pas trop confiance dans les infos de maître Jacobus. Si. Non. Si, c'est écrit. Là, je vois un objet encombrant sur le A15 42 Liège à hauteur de Spi. C'est le cœur de Kevin. Oh. Oh non, c'est méchant, le pauvre. Non, bon. C'était sa dignité, mais bon, on vient de m'enterrer. Ce qui est bien, c'est que dans l'équipe, on est là pour soutenir les autres quand il se passe quelque chose de pas bien. Et ça, c'est top. On me dit au 3044, faut pas qu'il aille à l'anniversaire, mais alors là, pas du tout. T'es ouf ou quoi? Tu vas juste te ridiculiser comme jamais. Ah oh, bah, comme la musique de Maître Gims, on peut en faire ridicule comme jamais. Ridicule comme jamais. Bon, et cela dit en passant, on cherche une meuf qui pourrait aller à l'anniversaire de cette pouffe demain avec Kevin comme mais ça. Mais bonne. Ouais, une bonasse. Genre une bonasse, si vous êtes bonasse, mais genre vraiment bonasse de chez bonasse, vous, franchement, si on faisait un calendrier à poil, vous pourriez le faire. Vous voyez le niveau qu'on cherche? Voilà. C'est juste pour mettre les nerfs à cette fille demain pour que Kéké puisse y aller en mode couple. Voilà, donc si vous êtes plutôt bonasse, allez-y. Hein. 3044 pour vos petits messages. Dans un instant, on va sur le son d'Enrique Iglesias. Et juste avant, on fait la place à Justin Timberlake sur Fun Radio. Bougez pas. Écoutez, ça s'est passé ce matin chez Evan et la Tribu. Alors 100 euros ce matin à rafler dans la boîte, un virement qui tombera directement sur votre compte en banque si vous trouvez ce qu'il y a dans la boîte de Sœur Khalid du jambon. Guillaume, quelle est ta proposition pour 100 euros? J'avais pensé à une boisson que je bois très souvent, c'est une banane. Sœur Khalid du jambon, est-ce que c'est cet objet qu'il y a dans la boîte? Guillaume, c'est la bonne réponse. Ouais. Ouais. Evan et la tribu, demain, 6h-9h sur Fun Radio. Quick! Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. Mmh, on peut prendre les deux? Gourmande. Mmh. Quick, le goût d'en faire plus. Quick. Un site d'offre d'emploi traditionnel, c'est que vous recherchez un poste d'employé à 10 km de chez vous et que vous parlez français, néerlandais et anglais. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Juliette, elle veut travailler au sein d'une petite équipe. En fait, elle déteste les grands bureaux paysagers et son mercredi de libre, c'est sacré. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. Comment bien manger quand... On est gourmand d'été. Alors là, je vois pas. Ah, à moins de manger le soleil. Eh bien, chez Deleuze, c'est ce que vous allez faire. En savourant nos délicieuses pêches et nectarines, plein de vitamines pour ces fruits cueillis juste à maturité, et donc bien juteux et plein de saveurs. Tout comme la super promo. Exact. Jusqu'au 29 juin, il y a 25% de réduction sur les pêches et les nectarines en vrac. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Et quel que soit le temps, grâce à Deleuze, on est toujours partant pour déguster une délicieuse viande pour barbecue. Vous écoutez Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat.

can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel like good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving, so, so keep dancing. On avait pris une décision dans cette émission, c'est de trouver une meuf pour que Kéké puisse aller à la nif de son ex demain. Et ben on va faire mieux, on va appeler son ex en direct dans l'émission. Ah oui, juste après les infos. Fun Radio. Fun. On va lui dire ce qu'on pense de ce qu'elle a fait à notre Kéké national, le Kéké du standard. Non mais oh, il a appris qu'il était cocu en direct sur Instagram. On va l'appeler. Hein, Kéké, t'es d'accord avec Sidé ou pas? Bah j'ai pas le choix en fait. Donc... Eh bah d'accord, allez. On va l'appeler, Kéké, courage, on est avec toi, on te soutient dans l'équipe. Il y a tous les auditeurs qui sont à l'écoute de Fun Radio, qui sont là aussi pour toi. On se fait ça juste après les infos avec Carlo Morello. Salut Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Brexit or not Brexit, that's the question, comme aurait pu écrire Shakespeare s'il avait vécu 4 siècles plus tard. C'est ce jeudi que les Britanniques se sont prononcés pour ou contre la sortie de leur pays de l'Union Européenne, ce qui serait une grande première d'ailleurs, depuis la signature du traité de Rome en 1957. Il n'avait été question que d'élargissement de l'Europe, pour la première fois de son histoire. Donc on évoque à présent une désintégration de cette dernière, parce qu'une victoire du Brexit pourrait donner des idées à d'autres pays dont les dirigeants sont eurosceptiques. Et il y en a de plus en plus avec la percée du populisme en Europe. Bref, l'enjeu est de taille, d'un point de vue économique aussi. Rien que pour parler de la Belgique, on a calculé que si les Britanniques quittent l'Union, ça fera perdre plus de 2 milliards d'euros et des dizaines de milliers d'emplois à notre pays. Quoi qu'il en soit, les résultats du référendum d'aujourd'hui devraient être connus demain aux petites heures. Suspense de rigueur, comme aurait pu dire Hitchcock s'il avait vécu quelques dizaines d'années plus tard. Nadie, demain vendredi, ce qui risque de vous préoccuper le plus, c'est de savoir ce qui sera à l'arrêt et ce qui va fonctionner à l'occasion de la nouvelle journée de grève. Ça fait longtemps, tiens. Journée de grève décrétée par la FGTB. Bah oui, on s'intéresse surtout à ce qui nous concerne directement, c'est normal, même si, comme je vous le disais, un Brexit concernera la Belgique également. Bref, le syndicat socialiste a donc appelé à une nouvelle journée de mobilisation dans les secteurs publics et privés, et toujours pour protester contre les mesures d'économie du gouvernement Michel. Il faut donc s'attendre à de nouvelles perturbations dans les transports en commun. Bon, en principe, il n'y a plus d'examen maintenant, j'imagine. De nombreux services publics devraient ne plus rien servir. Et dans le privé, des piquets de grève seront installés devant certaines entreprises. Mais il n'y aura pas de blocage routier. Promesse faite par Marc Goblet, secrétaire général de la FGTB. Et aucune manif n'est prévue non plus. En football, je ne reviendrai plus ici sur la victoire et la qualif des Diables Rouges pour les huitièmes de finale de l'Euro 2016. Sinon, pour rappeler que le prochain adversaire de la Belgique dimanche à 21h sera la Hongrie, qui a terminé en tête de son groupe, donc devant le Portugal, lui troisième seulement. Hongrie et Portugal qui se sont justement affrontés hier à l'occasion du match le plus débridé de ce premier tour. À 3 reprises, les Hongrois ont mené au score. À 3 reprises, les Portugais se sont trouvés donc virtuellement éliminés. Mais à 3 reprises, ils sont parvenus à égaliser grâce à Ronaldo notamment, qui a inscrit 2 buts. 2 buts qui le font rentrer un peu plus dans la légende, puisqu'il est devenu le premier joueur à avoir scoré dans 4 euros différents. Et par définition, ce record, c'est pas Lionel Messi qui va pouvoir le lui contester. Notez également la qualification historique de l'Islande. Historique forcément, puisque les Vikings participent à leur premier euro. Hier, c'est dans le temps additionnel qu'ils ont inscrit le but de la victoire face à l'Autriche. Là, c'est fou d'ailleurs, le nombre de goals marqués en toute fin de match. Ça signale enfin que dans le groupe de la Belgique, l'Irlande a battu l'Italie 1-0. Mais celle-ci, déjà assurée de terminer en tête, alignée une équipe B. Fun Radio. Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Vous savez, on vous explique tout dans cette émission. Du coup, il va y avoir du règlement de compte dans cette émission, après la météo de Carlo, puisque Kéké du Standard a appris qu'il était cocu en direct sur Instagram. La meuf a même pas pris le temps de l'appeler pour lui prévenir, ce qui aurait été quand même plutôt cool. Judicieux. On est d'accord sur ce coup-là. Ouais. Du coup, il pense aller à son anniv demain. Tout le monde ici dans l'équipe de Fun Radio lui dit que c'est pas une bonne idée. Du coup, on va appeler sa meuf, enfin son ex. Enfin, je sais plus comment il faut l'appeler. Mais en tout cas, on va l'appeler nous, avec toute l'équipe de Fun Radio dans un instant. On se fera ça juste après la météo et le son d'Enrique Iglesias. Il va faire comment demain, Carlo? Il va faire moins chaud qu'aujourd'hui. Pas plus de 25 degrés, avec de temps en temps encore une petite averse orageuse. Voilà, prochain rendez-vous info dans 1 heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son d'Enrique Iglesias. Salut. Fun Radio. Fun Voilà, c'est énorme. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Jérémy avait fait appel à l'Happy Hour. Il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro. Celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Sufrimiento. Tu vois, Kiki, même Enrique Iglesias, il a l'air triste pour toi. C'est pas possible. On va se faire le son d'Erais Trefi dans un instant. Par exemple, bah, Erais Trefi, elle aurait pu t'accompagner demain à la live de ton ex, puisqu'elle est quand même méga bonne. Ouais, hein, elle est vraiment mignonne. Dis ça comme ça, mais il y aura aussi David Vendetta. Oh, ça fait longtemps ça. Ça fait longtemps qu'on l'avait plus entendu. Ça arrivera dans un instant sur Fun Radio. Et si on est de vous brancher sur Fun, il faut que je réexplique vite fait ce qui se passe. On a besoin de vous, là, de l'autre côté de la radio, puisque Kiki du Standard était en couple. On peut parler au passé parce qu'en gros, bah, la meuf, elle a mis une photo sur Instagram avec un autre mec. Et c'est comme ça que Kiki a appris que c'était fini. Ouais. Donc, c'est horrible, n'empêche de la prendre comme ça, quoi. Mais, bah, franchement. Ça me fait rire quand même. Sérieux, j'ai déjà eu droit à plein de ruptures super pas cool. Mais alors, ça, on me l'a jamais fait ce coup-là. Hein. En plus de ça, bah, Kiki, il est tellement gentil. Parce que c'est vrai, vous le connaissez pas bien, le Kiki du Standard. Mais c'est un bisounours, quoi. Il est adorable, il est super gentil. Et il est tellement gentil, je sais pas si vous vous rendez compte, que demain, cette fille, elle fête son anniversaire et qu'il veut y aller, quoi. Ça, c'est quand même. Ouais. Exceptionnel, hein. Ouais. Et tu comptes encore lui acheter un cadeau ou pas? Non, non, pas du tout. Et tu persistes en plus. Il me regarde et fait ouais. Bah ouais, je suis fier, j'y vais. Ouais, je comptais y aller. Où est le problème? On me dit, t'es sûr que c'est son mec? On sait jamais parce que c'est peut-être son frère ou quoi. Son frère, alors ouais. Si c'est son frère, ils vont avoir des enfants pas très normaux. Non, c'est pas son frère parce que Kéké m'a montré la photo sur Instagram. Et en fait, c'est une photo où ils se donnent la main comme des amoureux, quoi. Et elle met hashtag new boyfriends, hashtag new life, hashtag je suis trop amoureuse. Ah ouais? Hashtag connasse. Ouais. J'avais pas vu les hashtags. Sérieusement, faut pas être gentil dans la vie. Mais ça, c'est vrai ça. J'arrête pas de lui dire au Kéké qu'il est trop gentil. Regarde Audrey, ouais. Prends exemple sur Audrey. Ouais, moi je suis super méchante. Et moi je suis célibataire. Ouais, mais toi personne fait chier. Ouais, c'est vrai aussi, ça c'est clair. Ne va pas à son anniversaire. Envoie-lui une photo aussi de toi avec une autre fille, comme ça ça va la faire rager. Mais ouais. Tu dois montrer que c'est toi qui tiens les rênes, Kéké. Parce c'est que toi l'homme dans l'histoire. Je peux comprendre le délire où il est amoureux, t'as envie de te retourner avec, je suppose. Ouais. Voilà, bon ça je comprends. Ça, encore là je te jette pas la balle. Attends, excuse-moi. Encore là? Bah oui, quand même. Malgré ce qu'elle a fait. Oh là. Excuse-moi, je peux quitter le studio parce que ça commence à m'énerver. Mais ça peut arriver s'il est vraiment in love, il a pas demandé à ce que ça soit fini, voilà. Tu vois. Mais je peux comprendre le délire, mais derrière, il faut que tu la fasses baver, quoi. Et bah c'est oui, elle c'est qui clair. Doit revenir, Kéké, c'est pas toi qui dois aller à son anniversaire. C'est elle qui a fait l'erreur. C'est ouf, pas toi. C'est n'importe quoi. Et tous les auditeurs sont d'accord. Hein. Ils envoient tous des messages dans ce sens-là au 3044. D'ailleurs, on a dit qu'on allait faire quelque chose. On va, mais seulement si t'es d'accord, toi, Kéké. C'est toi qui décides. Ouais, d'accord. Est-ce que t'es d'accord qu'on appelle ton ex-copine? Ouais, comme ça, moi, on met les choses au clair. Mais si tu le sens, parce que j'ai pas envie de t'afficher dans le. Mais ça peut être un bon moyen de te défouler. Non, mais voilà. Et puis, elle s'est foutue de ta gueule en direct. On va, voilà, on dit vas-y, ça va lui taper la gêne. T'inquiète, on va lui taper la gêne en direct sur Fun Radio. Ça lui apprendra à se foutre de la gueule de notre kéké. On va l'appeler. Et on appelle Céline, qui est donc l'ex de kéké qui s'est foutue de sa gueule. Et elle décroche. Allô oui, allô Céline. Oui. C'est Kev. Salut, ça. Pourquoi tu me téléphones en numéro masqué? Mais c'est parce que j'ai un bug avec mon GSM, donc voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ben, comme tu sais, je suis vraiment assez mal par rapport à tout ça. Donc voilà, je voulais juste un peu t'appeler pour un peu en parler, quoi. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est tout, c'est ce qui est dit, et puis voilà. Ouais, mais bon, t'as quand même posté une photo avec un autre mec sur Insta, quoi. Faut pas déconner non plus. Ben, c'est parce que je savais pas comment te dire, parce que... Voilà, j'étais pas sûre de mes sentiments pour toi et je me suis dit peut-être que si je vais voir ailleurs, je serai peut-être plus confiante que c'est toi que j'aime. Au final, ouais, pas trop quoi. Voilà, je sais pas. Ouais, mais non, faut vraiment pas déconner. Enfin, tu savais que j'étais vraiment très dingue de toi et puis après toi, tu me fais une connerie comme ça par après. C'est franchement, mais vraiment, vraiment pas cool. Donc tu le sais vraiment bien. Bah ouais, peut-être que tu t'es mal, mais enfin voilà, moi je suis heureuse comme ça, moi j'ai un nouveau copain et puis voilà. Ouais, mais c'est ce que j'ai bien vu, franchement c'est ça qui m'est mal, donc ouais. Après, voilà, si t'as envie qu'on reste amis, on peut rester amis, hein. Moi il n'y a pas de problème, hein. Tu peux toujours venir à mon anniversaire demain, il n'y a vraiment pas de soucis, mais c'est tout quoi, voilà, c'est tout, bah, après mon copain il sera là, hein. Mon nouveau copain, mais puis tu peux quand même venir. Non, mais s'il est là, enfin, franchement, moi, je pense que je vais peut-être pas venir. Ok, excusez-moi, mais là, il faut quand même que j'intervienne 2 secondes. Céline. Oui. Tu te souviens de moi, c'est Audrey, la collègue de oui. Kéké. Salut Audrey. Ouais, t'es vraiment une connasse. Ah, une grosse connasse. Ça, c'est femme. C'est une vanne. Parce que, désolé, mais t'es en direct à la radio. D'accord, t'es en direct là sur Fun Radio dans l'émission. Du catch féminin. Mais attends, d'où c'est un vrai connard? C'est une vanne. Moi, je vais un peu m'en mêler maintenant parce que Kéké, il est trop gentil, d'accord? Tu t'es foutu de sa gueule, mais d'une manière, mais franchement internationale. T'as mis une photo sur Instagram. T'as même pas pris le temps de le prévenir. C'est une vanne. T'es sérieuse? Bah, je savais pas comment lui dire et puis. Mais comment lui dire? Tu prends ton téléphone, t'appelles, tu dis Kéké, ça va plus entre nous, c'est fini. Pourquoi est-ce que t'as été mettre une photo sur Instagram et que t'as même pas pris le temps de le prévenir, s'il te plaît? Parce que ça me semblait pas hyper important. C'est pas hyper important. Pardon. Tu te fous de la gueule de qui, sérieusement? T'as quel âge dans ta tête? Sérieusement. Ça sert à rien, meuf. Attaque, Audrey, attaque. Mais non, attaque, mais. Attaque. Tu peux m'expliquer en quoi c'est pas important? Donc, toi, demain, ton mec là, ton nouveau mec, hein, new boyfriend, hashtag new life, machin, demain il se fout de ta gueule, il met une photo sur Instagram, c'est pas important? En plus, il s'appelle Kevin, hein, mon copain. Et alors? Mais c'est quoi cette pétasse? Mais dans un monde. Hashtag herpès dans ta gueule, je te souhaite. Attends, voilà. Mais c'est une vanne? T'as quoi dans ta tête? T'as quel âge? C'est non, le... mais voilà, ça faisait, c'est bon, ça faisait un mois qu'on était ensemble, c'est pas l'amour de ma vie. Et alors? Mais ça s'appelle le respect, problème, mademoiselle, le respect, tu vois? Genre quand c'est fini avec quelqu'un, tu préviens la personne. Exactement! Ça va? Ah, dis plus rien là. Voilà. Chacun son point de vue. Pardon? Chacun son point de vue. Chacun son point de vue. Ah, bah ça doit être ça, bah ça doit être certainement toute l'équipe qui mais a un point de vue complètement casser ailleurs. Mais la quoi. Gueule, Audrey, mais vas-y! Non, mais j'aime pas quand on touche à mon équipe, déjà je suis assez protectrice, mais là oh, j'aime encore moins mignon. Qu'on fasse du mal à Kéké, quoi, sérieusement. Pourquoi moi, est-ce que tu lui as dit? Demain, tu viens pas à mon anniversaire et puis. Mais on s'en fout de ton putain d'anniversaire! Étouffe-toi avec tes bougies d'anniversaire, sérieusement, franchement, c'est pas possible un truc pareil. Tu restes focus que sur ton anif. En fait, c'est avec toi qui compte dans la life. Tu t'en fous de lui avoir brisé le cœur, c'est ça? Bah ça va, c'est bon, hein, un mois, et c'est bon, si lui il a cru qu'on allait se marier. Attends, mais tu lui as dit je t'aime, tu l'as embrassé, t'as été voir ses parents, t'as passé du temps avec lui, t'as dormi avec lui. Et pendant un mois, pourquoi t'as fait ça si t'étais pas sûre de l'aimer, sérieusement? Pourquoi t'as fait ça? Parce que voilà, c'est comme ça, hein. J'ai vraiment envie de lui faire du mal. Oui, mais physiquement. Mais franchement, et on nous dit c'est une connasse cette fille, non? Tu c'est une gifle avec le poing fermé. Pouf. Et ben, tu sais quoi, je souhaite rarement du mal. Vraiment, c'est pas mon genre. Et je suis plutôt du genre à discuter aussi. Mais là, hein, mais là, je te jure, j'espère que un jour, vraiment, tu vivras la même chose que t'es en train de faire vivre à Kevin. Vraiment. Ouais, on te le souhaite tous d'ailleurs ici. On est tous avec Kevin. J'espère qu'un jour tu seras cocu. Et que non seulement tu seras cocu, mais que tu l'apprendras via les réseaux sociaux. Ok Céline? Eh ben y'a pas de problème, je vais en remettre. Eh ben y'a pas de problème, c'est vraiment une pétasse. Je déteste les filles comme ça. Vas-y, raccrochez-moi, ma millénaire. Au revoir, merci. Mais c'est une vanne, mais Kéké, qu'est-ce que tu veux, aller à la nif de cette meuf demain? Mais regarde ça, elle se la pète en plus. Elle a même pas un seul remords. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Elle m'a millénaire, sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce délire quoi? Et maintenant la question, Kevin, tu veux aller demain à l'anniversaire? Bah là, fin, je me remets en question quoi. Il se remet en mesquine. Mais, moi je propose un truc. Mais c'est dingue ça. Mais je propose un truc. On balance l'adresse de l'anniversaire à l'antenne demain et on envoie tous les auditeurs foutre la merde. Ah bah sérieux? On va faire ça. Au nom de la loi, je le jure, c'est une vraie promesse. Si demain tu vas à l'anniversaire, écoute-moi bien Kiki, hein. Si demain tu vas à la NIF, je balance l'adresse et tous les auditeurs qui ont envie d'aller foutre un, tu vois, genre une tarte de gâteau comme ça, paf, dans sa tronche, et ben vous irez. Voilà, ça c'est dit, bim. ain't made up. Get on top of me, I woke up a sweat. Woke up a sweat. See, we can do it any type of way that you want. I'm thinking maybe you're the right kind of wrong. I'm saying, baby, you won't ever forget my love. You need it, I need it. We can jump in the deep end. I wanna get lost in your love. I just wanna be close to you. I just wanna and do all the things you want me to. I just wanna be close to you. I just wanna and show you the way I feel. Baby girl, you made my love go. Avec Face et Afrojack, que ça se passe sur Fun Radio. Je vous ai calé Hey dans un instant. Il y aura aussi Unique. C'est une nouveauté, ça, avec Merci qui arrive. Genre, merci par exemple de vous être foutu de la gueule de Kéké. Hein, ou alors, merci de m'avoir largué avant de me tromper. Ça, c'est toutes des petites phrases que t'aurais pu dire, Kéké, à ton ouais, ex. C'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, on a reçu des petits messages là parce que on a appelé l'ex de Kéké en direct dans l'émission. Vous avez peut-être loupé ça. Mais oh, ça m'a fait du bien, tu sais quoi, de me défouler sur elle. Ah ben, moi, j'ai bien aimé de te voir en mode village comme ça. Ouais, c'était ouais, cool. Non, mais parfois, je peux devenir vraiment une lionne. Hein. Je peux devenir méchante quand on touche à mon équipe. On me dit quoi par SMS, c'est une pétasse. Et ouais, bim dans ta face. Sabrina qui dit ok, ça marche pour demain. Moi, je viens à la NIF. Si jamais il y va, on t'aime, Kéké. Ouais, oh, on t'aime, Kéké. T'as vu ça s'il est trop con, c'est normal qu'elle le prenne pour un con. Ah, ça. Ouais. Franchement, c'est pas très gentil, mais c'est un peu vrai quand même. Ça, c'est trop vrai, gentil, ouais. Mon Kéké national. On me dit Audrey, je te kiffe, ta réaction, elle est juste parfaite. C'est une vraie salope, cette fille. Et Kéké, ne fais pas l'erreur d'y aller. Bah oui, hein. Donc, on est d'accord que demain, tu vas pas aller à l'anniversaire. Oh, le non, quoi. Allez, mais c'est sérieux. Je suis un mec non. Borné, je suis vraiment borné. Mais t'es pas borné, là, t'es con. Ouais, toi, bah, c'est borné, con alors. Non, là, maintenant, tu me saoules. Mais sérieusement, pour... Kéké. Mais pourquoi tu veux y aller? Pourquoi? Elle va se... Mais t'imagines la loose, tu vas débarquer à la NIF. Il va y avoir son nouveau mec. Toi, tu vas arriver. Et puis, elle va te le présenter, limite, tu vois. Toi, tu vas être là. Bonjour, enchanté. Je suis sûre, t'es tellement gentil. Limite, tu vas lui serrer la main, tu vas lui faire un bisou, un hug aussi, tu vas faire un câlin. Là, il va me mettre un cadeau pour les deux. Mais ça, c'est. Allez, Kéké, je veux que tu dises ouvertement, maintenant, dans l'émission, que tu ne vas pas aller à l'anniversaire demain. Ok, je n'irai pas demain. Non, non, non, tu me regardes. Non, je te connais par cœur, Kéké. Tu me regardes dans les yeux. Assume. Dans et les tu yeux, me c'est dis. C'est plus haut. Je promets, je promets, là maintenant, en direct sur Fun Radio, à moi, Audrey, à toute l'équipe et à tous les auditeurs qui écoutent l'émission, que je n'irai pas à l'anniversaire demain.

two, one, see. Only he can make me higher, higher, higher, higher. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je laisse mes mythos sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The money, them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me higher, higher, higher, higher, higher. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui se casse tous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Baby, baby, let it go. Mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. C'était Unique, le nouveau son là sur Fun Radio avec Merci. Et la suite, c'est avec Martin Garrix que ça se passe. Il y aura quoi d'autre aussi après côté son? Soprano. Ah, le diable s'habille plus en Soprano. Vous pouvez faire appel au grand sage, maître sorcier, le professeur Mamadou. Il répare votre ordinateur à distance, vous donne les chiffres du loto et fait revenir l'être aimé, même s'il est parti dans un autre pays. Sinon, vous pouvez appeler des vrais professionnels. Audrey et l'équipe de l'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. On est toute une équipe hein, pour pouvoir réussir à chaque fois à résoudre les problèmes. On est deux. Ne rigole pas. Comment ça, on est deux? Bon, non, c'est vrai, on est 20 derrière ce dossier, le coup c'est de pouce. Une vanne. C'est toute une équipe, c'est toute une famille. Regarde Sandro, comment il pense que tu vois, genre, vous, Fab et toi, Kiki, vous n'existez pas. Genre, il n'y a que Sandro et moi, en fait. Hein. Non, mais quand je disais deux sur le dossier, c'est surtout Kevin et Allison qui travaillent pour le coup de pouce. Et ouais, c'est vrai, c'est les spécialistes du coup de pouce. Hein. Ouais. Les gars, ils sont tous fiers. Ouais, c'est moi, ça va, ça va. Et bah, justement, Kiki et Allison, ils ont pris contact avec Sabine qui est avec nous, qui vient de Liège. Salut Sabine, comment ça va? Ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Tu n'as pas l'accent, qu'est-ce qui se passe? Si, c'est parce qu'elle n'a pas fait de phrase encore. Ah, ok, c'est ça. Sabine, comment ça va la soirée? Je vais essayer de ne pas. Ça se passe bien? Pardon? Ça se passe bien la soirée? Ça va, ça va. Bah, ouais. Oui, ça va très bien. Du coup, Sabine, elle va répondre que par oui, non, je ne sais pas. Sabine, si tu es là, c'est parce que tu es à la recherche de quelqu'un pour aller bosser dans ta boulangerie. Tu nous expliques? Oui, exactement. Alors, je suis à la recherche de quelqu'un de très motivé pour venir travailler chez nous. Alors, nous, on a une petite boulangerie dans le centre de Liège. Ouais. Et donc, artisanale, on fabrique tout nous-mêmes, de A à Z. Oh. Et donc... Ça fait rêver. J'adore. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et moi, pour moi, ça devient difficile. Ouais. De bah, tu m'étonnes. Seul, attends, Sabine, toi aussi, genre, t'es... Parce que les boulangers, ça, c'est chaud, méga ça se lève à 4h du matin. Tu te lèves à quelle heure, toi, Sabine, pour préparer tout ça? En général, je me lève à 5h du matin. Ouais, mais excusez-moi, mais c'est quand même pour la bonne cause. Hein. C'est tôt. Pour des pains au chocolat et des éclairs. Dis ça à Sabine, la pauvre, hein, dis donc. Ça fait plaisir de les manger, mais il faut les préparer. Du coup, t'aurais besoin d'un petit coup de pouce, d'avoir quelqu'un qui peut t'aider à ta boulangerie. Oui, exactement, ça me ferait vraiment beaucoup comme de bien. Comme ça, toi, tu peux faire la grasse mat. Ah ben, exactement. Elle a bien raison, c'est la patronne ou c'est pas la patronne? Non mais oh, Sabine, du coup, il faut de l'expérience déjà ou alors t'es prête à former quelqu'un? Alors, en fait, pour bien faire, il me faudrait deux personnes. Donc, je cherche une personne qui a déjà de l'expérience dans le domaine. Ouais. Et je cherche aussi quelqu'un que je pourrais former, qui passerait par exemple par l'IFA PME ou quelque chose comme ça, et que je formerais directement chez nous. D'accord. Et donc, voilà. Pour la personne, du coup, que tu ne cherches pas à former, il y a un contrat, quelque chose à la clé ? Oui. Au départ, ce sera un contrat à durée déterminée, un temps. Ouais. Parce que bon, là, c'est l'été et que de toute façon, on n'a pas des masses de boulot, donc c'est très bien de commencer par un mi-temps. Et pour après, peut-être, s'il convient, faire un contrat à durée déterminée et pourquoi pas passer avec un petit supplément de... C'est super la proposition, Sabine. Le message, il est passé à l'antenne. Si vous êtes intéressé, que vous êtes à la recherche d'un travail et que vous êtes passionné par la pâtisserie, avec un contrat à la clé quand même, hein. Donc allez-y, vous envoyez job maintenant par SMS au 3044. On vous prendra à l'antenne si ça vous dit. Il y aura le son de Soprano, Le Diable s'habille puis en Prada dans un instant sur Fun Radio. Et juste avant, on se fait Martin Garrix. Welcome tout le monde, c'est la Power jusqu'à 20h. Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick ? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger ? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. Mmh, on peut prendre les deux ? Gourmande. Mmh. Quick, le goût d'en faire plus. Quick ! Cette semaine chez Lidl, une bouteille d'Ariel liquide plus une bouteille gratuite. Soit 9,79€ les deux bouteilles. Profitez-en, parce qu'après le match d'hier, le maquillage noir-jaune-rouge a probablement laissé des traces. Lidl, pour tout ce qui compte. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Camping 3 et Insaisissable 2 en avant-première événementielle un mois avant sa sortie. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Power. Happy Hour tous les jours sur Fun Radio. De 17h à 20h. La seule émission radio que même les sourds écoutent. Fun. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. A one shot that you fire at the sky, hoping someone else can see.

maintenant, job par SMS au 3044. Moi, c'est qui l'ami la musique de mon incroyable pâtissier? Ben ouais, ah le non, meilleur, c'est mon meilleur pâtissier. Meilleur pâtissier, s'il te plaît. Ah, moi, je connais pas ça. Par contre, j'ai vu un film. C'est Les Miches de la Boulangère. Les Miches de la Boulangère. Non, Fabarette. Non, 1980, la sortie du film. Non, mais puis le titre, ah, tu l'as s'il vu plaît. Aussi non, mais lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la date du film. Il pose même pas au titre, toi, tu vois. C'est ouf, Les Miches. Et quoi? Qu'est-ce que c'est les miches? C'est un enfant, il sait pas. C'est mignon. Les miches. Ouais, les et alors? Il sait pas, tu. Sérieux? Bah non, les miches. C'est en wallon, non? Ah non, c'est en français. C'est en français? C'est un film français. Allez, quoi, les miches, c'est les. Enfin, en fait, maintenant, je doute. Attends, c'est les pamplemousses, quoi. Oui, je pense, oui. Oui, bah, je suis plus sûr. Bah oui, là, parce que la boulangère, c'était la boulangère de grosse miche ou un truc comme ça. Ah, d'accord, super. Tu vois, tu fous le bordel dans cette émission, on était bien là, on était en train de parler de pâtisserie. J'étais en train de baver sur. Oh, d'ailleurs, elle est finie cette émission ou elle revient bientôt? Je pense qu'elle va revenir bientôt. Oh, ce serait mon plus grand rêve. Chaque année, elle revient. Oh, j'espère qu'ils feront une suite au film aussi. Bon, allez, si ça vous intéresse de bosser en tant que boulanger, pâtissier, bah, c'est le moment. Il y a un contrat à la clé pour aller bosser dans la région de Liège. Vous envoyez job par SMS au 3044 et là on se fait le son de Drake. Break it, break it down. C'est One Dance qui arrive sur Fun Radio et juste après il y aura Sigala avec C'est You Do. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Au 3044, quelqu'un me demande c'est quoi des films de boules, Vince? Alors, des films de boules. C'est le tirage du loto, mais en 3D. Voilà. C'est le championnat du monde de pétanque. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ou un de film. Curling. Oui, c'est. Ouais, enfin, c'est une boule un peu plate, hein, quand même. Hein. Tous les soirs, dès 20h, c'est libre antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. De Pizza Hut. Le jeudi chez Pizza Hut, comment appelle-t-on une entrée, une pizza au choix, un dessert et une boisson pour seulement 10€? Fou. Mais non, jeudi tout compris. Aujourd'hui dans les restaurants Pizza Hut, une entrée, une pizza au choix, un dessert et une boisson pour seulement 10€. C'est moi, Hip. Nos diables rouges sont gonflés à bloc. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50€, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges se qualifient pour les quarts de finale, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10%. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. And the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in our ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle at every beat of my heart. Oh, yeah. Charlie avait de drôles de dames. Audrey, elle, a de drôles de collègues. Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Baby, I like you so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Bonne soirée sur Fun Radio, ça c'est le son de Maître Gims, le tout nouveau qui vient de sortir, Zoom Zoom. On a été les premiers à vous le faire découvrir sur Fun Radio. C'est ce qui arrive dans la P War, il y aura aussi Justin Bieber. T'as été chercher loin là. Ah, mais t'as senti l'hésitation ou pas? C'est ce que je vous dis. Ah, non mais si. On dirait une mobilette qui démarre quoi. Excusez-moi, pardon, je me suis emballé. Ah ça y est, il y a le Sandro qui est en train de craquer. Ça va minou minou sinon. C'est bientôt le week-end. Bah ça. Il est là, tu sais. En plus de ça, il est venu avec son amoureuse. Mais oui. Excusez-moi, mais elle vient tout le temps avec toi en fait. Attends, viens Fiona, deux secondes. Parce que je t'ai dit. Oh, ça va, Fiona. Allez, viens. Allez, parle dans le micro. Fiona, c'est bon maintenant. Non, pas celui-là. Voilà, allez. Comment il est prétentieux. Allez, Fiona. Bon, parce que tout à l'heure, on a affiché Kéké avec son ex. Comment il est, Sandro? Il est bien dans la vie de tous les jours ou il est casse-bonbon? Non, il est supportable. Il est supportable? Ouais. Ça s'appelle ne pas avoir la moyenne. Bon, on était en plein coup de pouce là dans l'émission parce qu'on est à la recherche d'un boulanger, pâtissier pour aller bosser dans la région de Liège avec Sabine qui est super sympa en plus. Franchement, ça donne envie d'y aller. Non seulement elle fait des bonnes pâtisseries, c'est trop bien, mais en plus elle est cool. Mais toi, c'est le chocolat qui t'attire. Ah ouais. Mais moi, je pourrais pas, moi, bosser dans. Mais t'imagines, ça ferait faillite après deux semaines. Moi, même pas. Vas-y, j'aurais mangé toutes les pâtisseries. Deux semaines, t'es large. Eh ben, oh, oui. On le dit souvent. Et ouais, on a Annabelle qui est là, qui vient de Liège justement, qui serait intéressée pour aller bosser chez Sabine. Ça va Annabelle? Oui, ça va ah bien. Ah non, c'est Annabelle. Merci. Ou Annabella? Annabelle. Annabelle, t'as ah, comme la poupée du film. Annabelle. Oh oui, c'est vrai. Oh, raccroche. Ça va nous porter la poisse. Est-ce que... Non, ça va, je vous ai pas fait peur. On avait été à Paris à l'expérience Ibiza ensemble. Ouais, c'est mais quand même, peur, on était dans le noir, on n'a pas bien vu. C'est ça. Annabelle, t'as envoyé un petit message. Il fallait envoyer Job par SMS au 3044. Oui. Vous pouvez aussi le faire hein, de l'autre côté de la radio si vous venez de vous brancher sur Fun Radio. Si vous êtes intéressé par le poste, allez-y, foncez. Annabelle, t'as déjà bossé, toi, dans une boulangerie-pâtisserie? J'ai bossé, oui, dans une boulangerie pâtissière en tant que vendeuse. Donc, en tant que vendeuse. Et toi, par contre, t'as bien l'accent, Annabelle, c'est génial. Bah oui. Mais Annabelle, tu sais quoi? T'as gagné le gros lot parce qu'on va te mettre en communication avec Sabine Rantaine. Et comme ça, oui, tu t'arranges un petit entretien et tu nous dis comment ça s'est passé, d'accord? Ok, d'accord. Annabelle, la tue pas, s'il te plaît. Mais non, si jamais t'es pas prise, je lui plante pas un couteau dans le ventre, ce serait vraiment pas cool, quoi. Annabelle, non, en tout cas, j'espère qu'on a pu t'aider, ça nous fait plaisir. Et tu nous tiens au jus de comment ça s'est passé, d'accord? Ok, je vous tiens au jus comment? Parfait. Bah, tu nous envoies un message. Ça va. Sur la page de l'émission, et puis on va avec Audrey, d'accord? Ok, ça gros va. Bisous, Annabelle. Et rassurez-vous, bisous pour tous ceux qui ont envoyé job par SMS au 3044. On vous oublie pas, on va filer toutes vos coordonnées à Sabine. Dans un instant, on va se faire le son de Maître Gims, mais juste avant, c'est parti, on s'informe. Fun Radio. Fun. Il est 19h sur Fun Radio et c'est Carlo qui s'y colle pour les infos. Salut Carlo. Salut Audrey. Salut à tous. Lors des flashs précédents, il a été beaucoup question du Brexit, de l'Euro 2016 et de la grève générale de demain. Les news les plus importantes du moment, hein, c'est clair. Mais ici, on va évoquer quelques autres sujets, notamment Salah Abdeslam. Pas besoin de vous rappeler qui c'est, hein, j'imagine. Et c'est fou le nombre de choses qu'on apprend à son sujet depuis les attentats de Paris en novembre. Et notamment sur son emploi du temps dans les heures qui ont suivi ce funeste vendredi 13. Ainsi, par exemple, on sait aujourd'hui via Le Soir et sur base d'informations de deux députés belges et français, membres des commissions d'enquête sur les différents attentats. On sait donc qu'Abdeslam a été contrôlé pendant une demi-heure par les gendarmes français au lendemain des attaques de Paris et sur son chemin de retour vers la Belgique. Notez qu'on savait qu'un tel contrôle avait eu lieu, mais on pensait jusqu'alors qu'il n'était que de routine. Seulement dans ce cas-là, ça aurait duré 5 minutes, pas plus, alors que là, une demi-heure donc, ce qui veut dire que les gendarmes avaient de sérieux doutes à l'égard de notre djihadiste, mais comme ils n'ont pas reçu l'indication relative à son fichage pour radicalisme en Belgique, ils ont fini par le relâcher. Testachat et les mutualités lancent une pétition pour demander au pouvoir public de demander eux-mêmes à l'industrie pharmaceutique de se calmer. Question au prix des médocs, dont certains sont beaucoup trop chers. Certains traitements contre les cancers, les maladies auto-immunes et les maladies rares, notamment, sont carrément hors de prix. Pour vous donner un seul exemple, le prix d'un nouveau médicament pour un patient atteint de cancer peut atteindre 100 000 euros par an. Pour notre sécurité sociale, ça devient vraiment très lourd. Et si ça continue comme ça, c'est tout notre système de soins de santé qui risque d'exploser. L'industrie pharmaceutique se justifie en expliquant que la recherche et le développement, ça coûte très cher. Mais si on sait primo qu'une partie de cette recherche est financée par le public, deuxio que quelques pourcents à peine des nouveaux médocs permettent une véritable avancée, et troisio que les marges bénéficiaires de l'industrie pharmaceutique comptent parmi les plus importantes de toutes les entreprises, mais on se dit, en tout cas Testachat se dit, que ces justifications, c'est du pipeau et qu'il y a donc des choses à revoir. Enfin, là où il y a aussi des choses à revoir, c'est en ce qui concerne le numéro d'urgence 112. Le 6 juin dernier, un homme de 46 ans est mort chez lui des suites d'un malaise après avoir fait trois fois ce numéro et sans qu'on lui ait jamais répondu. Selon les affaires intérieures, la centrale d'urgence de Flandre orientale avait été débordée ce jour-là à cause des intempéries. Les syndicats profitent de ce tragique incident pour expliquer que toutes les centrales sont en sous-effectif. Ah ouais, là aussi. Quant au ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, il a indiqué ce matin qu'une solution était en vue pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Désormais, lorsqu'une centrale sera surchargée pour une raison ou une autre, les appels seront déviés vers d'autres centrales. On aurait peut-être pu envisager avant un tel cas de figure. Hein. Faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Là, on a reçu un petit message là au 3044 de Valentin qui nous dit « Salut, moi je cherche un boulot pendant le mois de juillet, si vous pouvez m'aider, ça serait cool. » Et tu sais quoi, on va te faire passer dans la Happy War là. Kéké, tu peux l'appeler? Ouais, tu fais comme ça? Ouais, nickel, je fais ça. Eh ben parfait, voilà Valentin, si on peut t'aider, ça fait plaisir. On va vous causer cadeau aussi dans un instant si vous avez besoin d'un téléphone, ça va vous faire plaisir. On vous explique tout ça juste après la météo, Carlo. On va perdre quelques degrés demain, 24-25 maximum, et c'est pas plus mal. Vraiment orageux aussi, même si quelques averses orageuses sont toujours possibles par endroits. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain midi. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Maître Gim. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. La vie hour, 17h-20h sur Fun Radio. Et ton fils, Bless, bless, Matuidi, Ribéry, Benzema, Benzema, oh, Pogba, Pogboum. Eh, what I we, what I know. Elle a jeté son cœur dans le fleuve. À part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Ça ira pour ce soir. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet. Mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment de ralentir, tu t'effrites peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le 6-5. C'est avec Papa Maître Gims, puisqu'on vient l'écouter. Mais il suit rien du tout. Ça y est, le Sandro, il y a son amoureuse qui est venue dans le studio. Et voilà, c'est le drame. Il suit rien du tout, quoi. Il faisait des bisous au lieu d'être concentré. Ouais, c'est ça. Non, en fait, pour être honnête avec vous, ça fait là tout à l'heure qu'on met la clim et je commence limite à avoir mal de tête. Je sais pas si vous êtes pareil ou pas. Arrête de trouver des excuses. Ah merde, ça, c'est pas une bonne excuse. T'es juste en train de faire le beau gosse devant ton amoureuse et du coup, tu fais de la merde. Je suis désolé. Il la prévient déjà, chérie, j'ai mal à la tête ce soir. Non, mais j'ai de bonnes nouvelles. Ça, j'ai quand même l'impression c'est qu'un concept féminin, non? Le coup de la migraine. Mais oui. Nous. Vous avez déjà fait ça, vous les garçons? Le coup non. Nous, on a toujours des excuses pour faire du sexe plutôt que de l'éviter. C'est bien ce qui me semblait. C'est quoi la bonne nouvelle? Bonne nouvelle, Martin Solveig arrive. Ah, le voilà. Et ça, c'est bon. Il y aura aussi Justin Bieber dans un instant. Et puis on a du cadeau aussi à vous filer. Vous allez pouvoir repartir avec votre Alcatel Pop 4, le tout nouveau téléphone de chez Alcatel. Et il fait plein de chouettes trucs, hein. Il a un appareil photo de 8 mégapixels quand même, hein. Si ça vous allez... franchement, si avec ça vous n'allez pas faire des photos de ouf. Juste 8 mégapixels, c'est pas 8 millions? Non. Oui, c'est ça, c'est 8 millions de mégapixels, je pense. 8 mégapixels, c'est un gars qui dessine, hein. Bon, Kéké du standard, allume 2 secondes le micro du Kéké, s'il vous plaît. Ouais. Kéké du standard, tu racontes que n'importe quoi en fait. Bah non, pas du tout. Donc c'est 8 mégapixels ou c'est... Ouais. 8 mégapixels. Et bah c'est ça, mais donc qu'est-ce que vous venez m'embêter? Mais c'est ça, Fab, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, okay, voilà. Tout le monde y parle en millions et machin. Et ça va, j'ai rien dit. Et puis, en même temps, on a quand même fait confiance à Fab sur des termes techniques alors que le gars ne sait même pas envoyer un mail. J'ai pas téléchargé, moi. Je rappelle quand même juste ça au cas où. Donc, ouais, j'ai pas dit de conneries. C'est un appareil photo de 8 mégapixels. Il y a un lecteur MP3 intégré. Vous pouvez même écouter l'émission en direct puisqu'il y a la FM radio aussi. Bref, c'est un cadeau en or qu'on vous offre aujourd'hui dans l'émission. Et c'est pas compliqué pour essayer de le choper. On se prend pas la tête. Il faut juste envoyer POP, P-O-P, par SMS au 6322. Et on se fera un petit tirage au sort avant la fin de l'émission, c'est promis. On a reçu des petits messages aussi au 3044 qui dit: salut belle et charmante Audrey, je me promène en cabrio, tu viens avec? Bah ouais, pourquoi pas. J'adore les propositions comme ça, bien que on annonce quand même de l'orage hein, les gars, donc à ta place je recapoterai comme on dit dans ces cas-là, hein. Toujours mettre la capote, c'est sérieux, important. Non mais sérieux, dites-nous ça, quoi, allez, sérieux, vas-y, quoi, laisse la place à Martin Solveig, tu me fatigues. Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? said you're running out of time. What do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Oh, baby, yeah. When you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? You're so confused, hey, baby. When you don't want me to move, so tell me to go, what do you mean? I'll be more straightforward. Oh, what do you mean? What do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? Et ouais, la suite avec David Guetta, que ça se passe sur Fun Radio. L'hymne officiel de l'Euro 2016, les copains. Hey. Et qui c'est qui a gagné son match hier? C'est nous. Et ouais, bim badaboum. D'ailleurs, on était en train de se faire un petit kiff avec avec Sandro hors antenne. Et on a attends, calme-toi Sandro, parce qu'on a quand même reçu des menaces, d'accord? Ouais. Dans l'émission. De qui? Kéké du Standard et témoin. Un Kéké. Ouais. Ouais, qui a menacé? Toi. Moi. Tu as menacé les membres de l'équipe de cette émission. Non, ouais. Justin. Non. À qui? Sandro. L'ensemble de l'équipe de l'émission a été menacée par une seule et même personne. Monsieur Fab. Oui, oui, j'ai fait des menaces, alors quoi? Monsieur Fab a un problème, parce que hors antenne, on s'amuse à écouter des musiques, c'est vrai, un peu ringardes. Comment tu oses dire ça, Audrey, non, de ta bouche? Non, mais c'est pas... Respecte tes artistes préférés. C'est vrai. Voilà, alors, merci. Le problème, c'est que Fab a dit, ok, si vous continuez avec ça, je vous pète votre gueule. Oh. C'est qui est pas très très gentil, non? Parce oui, que... mais c'est sincère. T'es pas gentil non plus. J'ai dit, alors, vous allez arrêter de me passer vos sardines là de Patrick Sébastien. De merde. Et bah du coup, qu'est-ce que les cerises au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce que les cerises au fond de cette boîte? Chante les sardines entre lui et les aromates. Mais c'est ringard, arrêtez avec ça. Tu disais quoi? Tu veux qu'on arrête? C'est ringard les sardines. Qu'est-ce que les cerises au fond de cette boîte? Attends, vas-y. Vraiment, attends, parce que franchement, c'est pas cool ce qu'on est en train de faire. Tu veux qu'on arrête vraiment? Non, je vais dire oui. Après toi, tu vas le remettre. Oh, j'ai l'impression d'être à un mariage de paraquis en training et basket. Mais oh, tu viens d'insulter Patrick Sébastien. Oui, oui. Tu insultes le Patrick Sébastien. Ah, ils vont le remettre. Ah, ouais. Tu peux fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien. Allez, enfin, Gilles, on arrête avec les jingles de Patrick Sébastien. D'accord, on a pas autre chose que Patrick Sébastien. Attends. Ah, ben voilà. On est venu pour ça, on va gagner pour ça. On a gagné la coupe au pays, va gagner pour ça, parce qu'on est venu pour ça. Je sais pas si j'y gagne au change, mais. Mais Patrick Sébastien, s'il vous plaît, non. Allez, aidez-moi, envoyez un SMS, faites une pétition, je sais pas, moi, venez me sauver. Dites-leur qu'ils doivent arrêter avec les sardines, c'est ringard les sardines. Sérieusement, et de l'autre côté de la radio, là, pour tous ceux qui écoutent l'émission, est-ce que vous trouvez sincèrement que Patrick Sébastien, c'est ringard? Je sais pas, moi, ça représente un peu la badge attitude. Non. Allez, 30-44, on attend vos avis, c'est vous qui allez décider. Voilà, je promets que si vous aimez pas Patrick Sébastien, j'arrêterai de le passer à l'antenne. Mais je suis pas sûre que les auditeurs détestent. 30-44 pour vos messages. Et côté son dancefloor, on se fait Major Lazer avec Boom. Tous les soirs dès 23h, Libertad, l'Open Space avec Mike sur Fun Radio. On a entendu ton très joli timbre de voix. Ah super, mais mon timbre de voix est magnifique. Vas-y, fais-moi une petite chanson pour le kiff là, pour débuter l'émission, Laura. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Ah, est-ce qu'il peut

cup. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a gal is, I'm in stanza forever. Yeah, Fun Radio, on va enchaîner avec Rochelle. All Night Long, c'est bon ça, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Il y aura aussi Cachemire dans un instant. Avec une petite voix, hein, elle est là-dessus. Hein, ça va mon petit Fab, non. Tu passes un bon moment? Non. Oh, et tu sais pourquoi? Mais non. Non, si, si, il faut quand même que tu dises ce que tu m'as fait. Il fait son mourzouk, il est pas content. Son quoi? Son quoi? Non, ça je peux pas cautionner. Vous connaissez pas cette expression? Tu parles quelle langue? Bah, faire son mourzouk, c'est faire son boudeur quoi. Excuse-moi, je crois que c'est une expression carolo, mais je crois que c'est une expression afghane surtout. Je... Ah, il est pas content le Fab parce qu'on a passé du Patrick Sébastien. Avec le serré, au fond de cette boîte, chante les sarines, chante les sarines. Ah, qu'est-ce que le serré, au fond de cette boîte, chante les sarines. Je tiens à dire un truc quand même, c'est que j'essaye d'utiliser la force depuis tout à l'heure pour vous étrangler, ça ne marche pas. Ça nous ferait des vacances. On s'est donné un seul et même objectif dans l'équipe, c'est de faire pleurer Fab en fait. Avant 20h, il pleurera, il va souffrir. Pleure, pleure, pleure, pleure, pleure, pleure, pleure, pleure, pleure, pleure, pleure, pleure. Allez, pleure, Fab. C'est moi qui ai inventé ça. Arrêtez. Et d'ailleurs, on vous a demandé de nous dire là au 3044 si vous étiez pour ou contre Patrick Sébastien, puisque ça y est, Fab lance carrément une croisade quoi. Le gars est parti en guerre contre Patrick Sébastien, alors que dans l'équipe, on le kiffe ce monsieur, surtout ses chansons. Et on a Indy qui est là, qui vient des Cossines. Salut Indy, ça va? Salut à tous. Ça va bien Indy? Hey. Ça farte? Hey, comment ça se passe? Eh ben ça se passe bien, on est en train de faire la misère à Fab. Bon Indy, tu kiffes toi Patrick Sébastien ou pas? Bah oui, j'adore, c'est cool. Donc Indy, tu as un malentendu là, tu ne dirais rien si jamais on passait là comme ça tout de suite un petit Patrick Sébastien? Bah non. Ah bah alors c'est parti. Oh là là. Voilà, c'est à cause de ça que je ne veux pas Patrick Sébastien. Il y a toujours un mec qui fait coin coin coin. Mais c'est génial. Et on me dit, moi j'aime bien Patrick Sébastien, je trouve qu'il met de la bonne humeur. Ouais. Qu'on continue avec les sardines, ça donne la pêche au thon. C'est l'infirmier caché. Non, c'est une blague. C'est ce genre de mec qui fait ce genre de blague, qui écoute ce genre de chanteur. Mais non. C'est génial Patrick Sébastien. On dit, c'est toujours drôle quand t'as bu un verre de trop. Essayez aussi Jean Petit qui danse. Vous connaissez Jean Petit qui danse? Ah oui, mais je pense pas qu'on l'a dans la machine. Oh mince, on l'a pas dans la machine. Ça existe vraiment Jean Petit qui danse? Mais oui, t'inquiète pas, Sandro va le chercher. On me dit, cool, vive les sardines. Audrey, Fab a raison, c'est naze, arrête. Ah, attention, Fab, t'es jeté une miette, tu connais rien. C'est Fredo de Bruxelles, de Charleroi qui dit ça. T'es jeté une miette? Et ouais. Ça, c'est en wallon, ça veut dire clapet de gueule. Donc je la ferme, autant c'est pour ça, moi. C'est ça, voilà, ça c'est ça. Passe celle, elle aime le cul. Hein? Pardon? Il a fait une chanson comme ça, Patrick Sébastien? De qui quoi? Elle aime le cul. Bah non, il a pas fait ça. Pas, il aurait pas fait ça quand même, le minou. Si? On va chercher. Est-ce que t'as trouvé Fred de machin là? Je sais pas quoi. Non, Jean Petit qui danse, je l'ai trouvé. Ouais. Ah, allez, fais péter Jean Petit qui danse alors. Spécial dédicace à l'auditeur qui a envoyé son message. Et c'est parti! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Allez, on traite les mains. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De ses mains il danse. va pas avec. Mais écoute, tu n'aimes pas les gens heureux, qu'est-ce que je te dise, moi? Lâche-toi, retire le bâton que t'as dans les fesses, ça va aller, Fab, respire. On me dit un petit Patrick Sébastien en faisant l'hélicoptère avec son zigouigoui. Ça, c'est du baraki. Faites péter la carapils. Faites péter les tubes de Sébastien, toute l'usine danse sur les sardines. Mais oui, t'inquiète pas. C'est quoi, on va faire une spéciale Patrick Sébastien jusqu'à 20h, ça va être génial. Bon, en attendant, on va quand même écouter un peu de son dance floor. Hein, je te fais des gros bisous, en tout cas, Indy. Merci d'avoir pris notre parti. Hein. Voilà, Indy est dans notre camp. Big up à toi, Indy. Passe une bonne soirée. Tu reviens quand tu veux dans la Pioire. Et d'ailleurs, vas-y, Marmiche ou quoi. Go. Big up. Et il n'y a pas que Indy hein, qui est pour Patrick Sébastien. Moi, je vois tous vos messages qui arrivent au 3044. Et d'ailleurs, si vous avez un avis sur la question, allez-y, on se fait plaisir. Vous voulez écouter de musique ringarde? Allez-y, on fait ce qu'on veut. Le boss, il est pas là. C'est parti, 3044. Love me like no one else get your high. Avec Cashmere, que ça se passe sur Fun Radio, c'est Wildcard. C'est bien ça pour se mettre dans l'ambiance de la soirée. À partir de 20h, vous allez retrouver toute l'équipe de Vince en mode libre antenne. 23h, et c'est Mike qui s'y colle avec l'Open Space. 23h, 2h du matin, la seule émission où tout est permis. Et quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Hein. Il se passe des trucs très très bizarres à partir de 23h sur Fun Radio. Si vous êtes un peu fou dans votre tête, restez bien branchés, ça va vous plaire. Bon, avant de se faire un petit Patrick Sébastien. Non, allez, s'il te plaît. Pour le plus grand plaisir de Fab, on va faire sonner maintenant chez quelqu'un qui a envoyé Pop par SMS au 6322 et qui du coup voudrait bien repartir avec son Alcatel Pop 4. C'est le tout nouveau qui vient de sortir de chez Alcatel. Téléphone tactile avec appareil photo, mégapixel, tout ce qu'il y a dessus. Parce que tout à l'heure, on s'est fait tacler par un auditeur. C'était drôle parce que je vous ai dit qu'il avait 8 mégapixels. Non, 8 millions, t'as dit. Mais non, il a dit 8 millions. Moi, j'ai dit 8 millions. Voilà, mais en fait, 8 mégapixels égale 8 millions de pixels. Hein. Voilà. Donc, merci à l'auditeur qui a dit de toute façon que c'était la même chose. Voilà. Donc, on va tout de suite arrêter de se prendre la tête avec ça. Si ça décroche, allume le téléphone. Ah, mais ça fait plaisir. Raccroche. Ceci attends. Est un message vocal de Maxime Pierre. Maxime Pierre. On va lui laisser un message. Veuillez laisser un message. J'allais dire, on peut pas. Signal sonore. Merci de votre appel. Maxime, Maxime. Maxime. Maxime. Maxime. Maxime, Maxime, Maxime, mais qu'est-ce que tu fais? Maxime, moi je t'appelle et tout. Venez, on lui dit pas ce qu'il a gagné, ce qu'il aurait pu gagner. Bah si, il le sait puisqu'il a joué pour, t'es con quoi. Mais ouais. Ah, punaise Fab, il a des bonnes idées. Viens, on va faire un cache-cache, mais on se cache pas vraiment. Ça va être ça, trop quoi. Génial comme jeu, tu verras. Maxime, je suis désolée mon chéri, je t'ai appelé, je voulais te filer ton Alcatel Pop 4 et t'as pas décroché, du coup c'est perdu. Je voulais te le filer, moi ça me faisait plaisir. Bah du coup, tu retentes ta chance. On réessaye d'appeler quelqu'un, tiens. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On redonne une dernière chance pour le cadeau quand même, parce que je me dis que la deuxième fois c'est toujours la bonne. Hein, Kéké? Ouais. Hein, avec ton ex, ça a pas marché, la deuxième ça ira mieux. Hein? Oh, c'est pas sûr ça quand même, tu t'emballes. Hein. Ah, je rappelle que Kéké s'est fait larguer en direct sur Instagram. Il l'a pas appris de la bouche de son ex, sinon c'est sur les réseaux sociaux. Non, la bouche était occupée. Oh non! Oh Fab. Fab. Oh non, ça va pas ça. Bon alors, on fait sonner, c'est reparti pour filer l'Alcatel Pop 4. On va voir si ça décroche cette fois-ci, si on a plus de chance. Et puis si ça décroche pas, et bah du coup, on en filera plus demain. Mais j'ai l'impression que je dis ça tous les jours. Chaque fois, vous décrochez pas. Le boss, il va nous dire, mais pourquoi tous les téléphones ils sont encore dans la cave? Mais c'est pas faute d'essayer. Hein. Et je vous jure, on a même fait l'émission, on est appelé genre 7 fois. 7 fois pour avoir un auditeur qui décrochait. Alors si vous êtes à l'écoute de l'émission. Ah, magnifique ça. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tu es en direct de tes toilettes? On ne t'entend pas bien. Parle dans le micro. Coupe la radio derrière aussi. Mais fais ce que tu peux, lève un doigt en l'air. Oh là, ça commence à résonner. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allô, allô. Oh, tu parles avec toi-même? Ouais. Salut Audrey. Ça va toi? Ouais, je veux bien. Ouais. Attends, sérieux, y'a pas moyen de l'avoir, l'auditrice? Attends, je m'entends, c'est scandaleux. Allô. Coupe ta radio. Mais coupe ta radio! Mais coupe ta radio! Oh, je m'entends, c'est horrible! Lève les mains en l'air! Attends, vas-y, raccroche, on va réessayer de la rappeler là. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Non, mais sérieux, on est poisseux, hein, franchement. On est poisseux, à un moment donné, on est poisseux. On est en train de se faire pirater, moi je vous le dis. Au secours, pour la musique, elle aime machin, appelle-moi, c'est pas grossier du tout, Fredo de Charleroi. Non, mais je te crois, Fredo, t'inquiète, on va le trouver. Hein. Ouais, moi, peut-être pas passer tous les trucs ringards aujourd'hui. Oui, on va se faire un petit kiff. Ah, chouette. Dis-moi, Fred, si c'est par contre Patrick Sébastien qui chante ça. Allô, allô? Allô? Ouais, bah décidément, dis. C'est pas possible, hein, t'es dans le fin fond d'une forêt ou quelque chose du genre, mais c'est scandaleux. Honnêtement, bon, ça tombe bien, attends, le cadeau. On va faire un truc. Si tu nous entends de là où tu es, de fort, fort lointain, eh ben. Tu as gagné ton Alcatel Pop 4! Allô, oui? Non, c'est pas possible! Oh, je dégouline tellement je donne tout ce que j'ai. Et ben, tu sais quoi? Oh, ben, tant pis, elle a gagné quoi, parce qu'elle a décroché la pauvre, t'es gagné! Ouais! Ouais! Magnifique, on a réussi à se connecter avec l'au-delà, c'est génial! Bon, hey, tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées et t'envoyer ton téléphone très vite. Voilà, c'est dommage, on n'a pas pu l'avoir à l'antenne. Ok, pas de soucis, bisous, merci, bisous, tu reviens quand tu veux, mais avec un. Bah, j'espère qu'avec le téléphone qu'on lui a filé, on l'entendra mieux la prochaine fois. Là, on a d'office un cadeau, il y a un coup de pouce en même temps. Tu m'étonnes! C'est double emploi quoi, c'est trop génial. Allez, on va se faire le son de Cachemire maintenant sur Fun Radio, ça aussi c'est bon, hein? Wildcard qui arrive, je vous ai calé un petit Imani avec Alessia Cara aussi juste après. À partir de 20h, c'est toute l'équipe de Vince, libre antenne avec tout le monde qui est là, David Kaufman, Yalara, enfin je sais plus qui, mais ils sont tous là. Voilà, ça va être de la pure folie à partir de 20h, 23h c'est Mike, et puis pour aller jusque là, c'est parti, on se fait le son de Cachemire, Wildcard sur Fun Radio, bougez pas. Take a step. Bienvenue sur Fun Radio, si vous venez de vous brancher, ça c'est Imani qui arrive avec Don't Be So Shy côté son dance floor. On va se faire aussi Alessia Cara et Jay-Eazy. Hein, c'est pas Jay-Z. Yeah, hein. Jay-Eazy. C'est quoi, on a l'impression que j'annonce yeah. Jay-Z, c'est une catastrophe. Et on me dit quoi? S'il te plaît, Audrey, vas-y, retape un petit Patrick Sébastien juste pour Fab. Suffit de demander. C'est gentil. Au fond de cette boîte, chante les sardines. Chante les sardines. On ne t'entend pas. Au fond de cette boîte, chante les sardines. Ouais. Bon, non, mais non. En fait, je ne contrôle plus du tout Sandro. Excusez-moi, mais. Non, mais. Pourquoi? Parce qu'on est libre. Ouais, c'est bon. Ouais, excusez-moi. On a une autre dose quand même, je l'aime bien, Patrick, mais à un moment donné, il faut partir, quoi. Bon, surtout qu'il y a Vince qui va arriver, il va pas être content si on laisse l'émission en retard. À partir de 20h, il sera là, et à 23h, c'est Mike Open Space. Bonsoir, André. Il est là, bonsoir, le Mike. Ça comment bien, ça va? Je suis là. Oui, ça va très bien. Hey, ouais, ça va. Le beau gosse. Oui, bon. Merci, Audrey. Enfin, je sais pas. Oui, c'est plus facile. Un petit peu, quoi. Mais... D'accord, je vous remercie, dame Audrey. Bon, Mike, il y aura quoi à 23h sur Fun Radio ce soir? Eh bah, ce soir, retour de l'émission en direct dès 23h. Cinq émissions avant la fin de la saison, les amis. Ça diminue, hein. Tic-tac. Ça me fout une race rare. Comment ça, 5? Tu finis avant nous, toi? Mais je suis en angoisse. Bah, on n'a pas le vendredi, nous. Bah oui, c'est ça. Ah, c'est vrai, quand ouais. On fait le jeudi. Ouais, mais ça, quand on est fonctionnaire. Je suis en angoisse. Je sais pas ce que je vais faire cet été. Je suis en angoisse de ouf. Je vais me chercher toute la journée. Tu veux venir bosser dans la PIOR? Tu peux si tu veux. Ah ouais, on est ouais, pas là. Avec plaisir. Ah cool. Allez, quelle voilà. place? Eh ben la place de Fab. On a réfléchi longtemps à la question et voilà. Du coup, il y aura quoi 23h dans l'émission? Il y aura le si pas bien aussi, le jeu le plus dur du monde avec une montre connectée à pécho. On fera la nouvelle star de l'Open Space si vous voulez faire de la radio avec nous et qu'on vous laisse 2 minutes carte blanche là si vous êtes animateur radio, vous voulez vous avez avoir des, une chance sur Fun vous Radio. Vous avez des pistes pour le moment ou alors que dalle? Pour nous remplacer? Bah ouais. Ouais. Ouais, il y a du monde. Bah, tiens, ouais. D'ailleurs, il y a un enfant de maternelle qui est sur le coup. Je peux te dire que là, on met les meilleurs des meilleurs. C'est vrai? Ouais, donc ce sera tout à l'heure des 23h. Mais quel succès, quoi. Oh la largue. Tout le monde veut la place de Mike. Oh la pauvre Mike. Et puis, il y aura toujours de la place pour toi dans la Power, si tu veux. Merci, Audrey. Et puis, c'est notre dernier passage antenne, Audrey. Ah oui, et donc. Tu me permets de dire un petit mot? Vas-y. Non, je voulais juste de te remercier, attends, Audrey. Attends, parce que c'est quand allez, c'est. Change-moi d'ambiance. Attends, là, il faut. Allez, fais-moi pleurer les chaumières. Et c'est là qu'il va venir, mais t'es vraiment une grosse connasse, en fait. Non, mais c'est vrai, parce que les gens ne savent pas comment ça se passe forcément l'envers d'une radio, c'est pas comme toutes les entreprises le monde des bisounours. Ouais. Ah non, ça toi t'es un bisounours ma petite Audrey. Oh, voilà. Mais c'est vrai, c'est un peu ma grande sœur ici à Fun Radio, enfin en tout cas c'est comme ça que je te considère. Donc merci beaucoup Audrey. Tu m'as donné plein de conseils en radio. Tu t'as jamais suivi des mais conseils bon. Humains, etc. Donc voilà, merci et merci à toute ton équipe aussi Fab. Voilà, lui dans quelques années je suis sûr il va remplir des grandes salles. C'est pas un discours d'adieu, hein. Enfin j'espère qu'on se retrouvera en septembre. Il va me faire pleurer quoi. Oh et bah, voilà. Et trop non mignon. Mais c'est ultra sincère en tout cas, merci beaucoup les amis et merci aussi à Sandro, tu m'as beaucoup fait rire. Physiquement parlant. Ah, et avec plaisir. C'est vrai que j'étais pas souvent habillé, mais bon, désolé. Hein. Mike, bien sûr que ouais, que c'est pas un adieu, parce que Mike, il sera là. Et ouais, l'année prochaine, il sera là sur Fun Radio à partir de 23h. Et puis d'ailleurs, allez-y, allez écouter cette émission, c'est juste une tuerie. L'Open Space, ça sera de retour à partir de 23h. Mike, je te fais des gros bisous en bisous, tout cas. Bisous, ma chérie. C'est un amour, ça. Passez une bonne déloc, les amis. Merci, c'est gentil. Tu veux venir avec nous? Ouais, s'il y a moyen. Il y a de la place si tu veux. Tu veux venir? C'est vrai, j'ai un peu grossi, il faudra me prendre deux places dans le train par contre. T'inquiète, à la base c'était Yolande qui devait venir, mais elle vient pas donc ça va, tu peux venir. Ah ouais, d'accord, ok, parfait, bah voilà, ça se fait. On prend Mike avec nous dans nos valises. On va se faire le son d'Imani là maintenant sur Fun Radio pour aller jusqu'à 20h et bougez pas jusqu'à 20h. C'est Maître Vince qui arrive sur Fun Radio. Ouais, écoutez, ça s'est passé ce matin chez Evan et la team. Bon, jouez avec nous ce matin. Alors, on a Baïja ou Nadi, je sais pas quel est le prénom entre les deux. Allô? Allô? Bonjour, c'est quoi ton prénom? Salut. En fait, c'est Baïja. Ou c'est Nadi? Baïja Nadi. D'accord, c'est les deux. Evan et la tribu, demain, 6h-9h sur Fun Radio. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Camping 3 et Insaisissable 2 en avant-première événementielle un mois avant sa sortie. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. And as far as

nouveautés. New music, découverte Fun Radio. Allez, dans quelques petites minutes, c'est Vince qui prend le contrôle de Fun Radio en mode libre antenne avec toute son équipe. Et pour aller jusque là, on vous laisse avec la nouveauté d'Alessia maintenant avec Jay-Z. On vous dit à demain. Bisous, bisous. À demain. Ciao. Message officiel d'intérêt public. Mesdames et messieurs, le programme qui va suivre n'a aucun sens et est dépourvu de logique. N'essayez pas de comprendre ces individus et leurs leaders, car ils sont totalement débiles et attardés. Nous nous excusons à l'avance.